Bonjour, aujourd'hui je vous parle du bonheur. Le père Jean-Nicolas Groux a dit « L'homme n'a nulle ressource en soi pour se donner la paix ». Léon Tolstoï a écrit « Tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent ». Moi, je crois plutôt que c'est la réalisation de nos vœux qui sont le commencement de nos plus grandes misères. Pascal a écrit « Tout ce que les hommes ont inventé pour se rendre heureux, c'est le divertissement. Ils savent bien que ce bonheur est illusoire, continuellement troublé par la maladie, les accidents, etc. Or, la foi, il n'y a point de bonheur. » Fin de citation. Laissez-moi vous lire maintenant le psaume premier. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Frères et sœurs, il n'y a que l'Esprit-Saint qui puisse remplir une âme humaine et lui donner ce sentiment de plénitude spirituelle dont elle a tant besoin. Le père Jean-Nicolas Groux a écrit « Le travail de la purification du cœur est le moyen unique de s'assurer quelque bonheur ici-bas. L'Évangile ne tend donc qu'à faire des heureux en ce monde et en l'autre. Je ne puis être heureux qu'en l'aimant, et qu'il est obligatoirement vrai que je sois malheureux en ne l'aimant pas. La vie dévote est une vie douce, heureuse et aimable. Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez ce que nous avons, je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Mon Dieu, ma vie est inquiète et j'éprouve toutes sortes d'incertitudes. Mon cœur est agité et les bruits de ce monde m'empêchent de connaître la paix et je n'ai pas la joie de vivre. Ma vie est un fardeau à porter. Je traîne ma vie comme on traîne une fièvre. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je veux me mettre à son école et apprendre de lui tous les secrets de la vie et de la vraie joie. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.